Dans ma basse là. Putain, je vois plus avec le nouveau Reaper là. Et où le master? Oh, il est là. Salut Manu. Ok, merci. Apparemment, c'est bon là. Ah, si j'aurais pu mettre le truc que tu m'avais filé là. Pour la basse là. En attendant, mais bon. Oh, les affaires! Heureusement que tu t'appelles pas Bernard Tapie, hein. Le pauvre Bernard Tapie, putain, il est ruiné. Ruiné, Bernardo. Ils sont riches, ils sont riches. Thank you.